l'ouverture des portes. Ah ouais, moi je m'assois sur le banc, des fois j'ai l'arme aux yeux, t'es pas sympa. Montez. Qui existait là, sur la rue des pissoirs publics, hein, voyez ce que, pour Rome. Hein. Et je me rappelle que c'était là, que c'était le mur et tout, dont on leur apportait des casse-croûtes et tout. Hein. Fermeture des portes. Moi, je sais bien qu'il en faut. C'est pas bien la guerre. C'est pas bien. J'ai encore sur la voiture qui déroule. Parce que la ville de Grenoble, ils se gavent, ils font plus cher les trucs. C'est pas bien ça. C'est pas bien. En même temps, combien de culottes il doit avoir de la journée pour amortir sa journée, hein. Oui. Vous avez une autorisation de la part du directeur de la caserne de Beaune? Non.